Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. La chose la plus incroyable. Il était une fois, dans un pays lointain appelé la Slavonie, un roi et une reine qui avaient une fille en âge de se marier. Ils décidèrent que seul un homme capable de leur montrer la chose la plus incroyable serait digne d'épouser la princesse et de recevoir en dot la moitié du royaume. Les hommes vinrent par centaines de tous les coins du royaume pour courir leur chance. L'un fit des acrobaties, un autre but 150 verres de bière, et un autre encore avala 50 poulets. Mais aucun de ces exploits n'intéressa le roi. Ils l'ennuyèrent même tellement qu'il faillit s'endormir. Or, au moment où il allait s'assoupir, un jeune homme se présenta en disant « Sire, j'ai l'honneur de vous présenter la chose la plus incroyable du monde. Voici, Majesté, l'horloge la plus sensationnelle de tous les temps. Attendez qu'elle sonne l'heure et regardez, vous n'en croirez pas vos yeux. » Effectivement, lorsque l'horloge sonne à midi, des personnages gais et joyeux en sortirent. « Je n'ai jamais vu une chose pareille !» s'exclama le roi enthousiasmé. « Ceci est bien le spectacle le plus incroyable auquel il m'ait été donné d'assister. » L'histoire ne faisait que commencer. Lorsque l'horloge sonna une heure, un vieillard vêtu d'une longue robe apparut. Dans sa main gauche, il tenait une tablette en pierre sur laquelle il se mit à écrire avec un burin. Et savez-vous ce qu'il écrivit ? Des règles de vie, des préceptes, des commandements. La foule fut prise d'étonnement tant ses préceptes étaient sages et justes. Lorsque l'horloge sonna 2 heures, on vit apparaître Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux et vivaient sans travailler, cueillant des fleurs et jouant en cache-cache derrière les arbres. Ils ne portaient pas de vêtements. À quoi bon, le soleil était si doux. La foule fut ravie. « Jamais on n'a vu une chose aussi incroyable !» murmuraient les gens ébahis. L'horloge sonna 3 heures. Et cette fois, ce furent les 3 rois mages qui apparurent. Ils portaient de longs manteaux brodés et sur la tête une couronne en or. Chacun tenait dans les mains un présent. « J'offre un coffre rempli d'or !» dit le premier. « Moi, un coffre rempli d'encens !»« Et moi, un coffre plein de myrrhe !» dit le troisième. Quand l'horloge sonna 4 heures, les 4 saisons se présentèrent au public. Printemps tenait dans sa main un rameau de jeunes feuilles sur lequel était perché un coucou. Été tenait un épi de blé avec à son extrémité une sauterelle. Automne était couronné d'un nid vide. Et hiver était accompagné d'un vieux corbeau croassant. L'horloge sonna 5 heures. Et les 5 sens firent leur apparition. La vue était un opticien qui polissait des verres de lunettes. Louis était forgeron et fabriquait des casseroles. L'odorat était une jeune marchande de fleurs délicieusement parfumée. Le goût était un gros cuisinier qui préparait de la soupe dans une marmite fumante. Le toucher était un grand homme sérieux qui gardait sa tête et son corps bien cachés sous une longue cape noire. À 6 heures pile, les spectateurs virent apparaître 2 joueurs assis à une table et jouant au dé. « J'ai gagné !» criait le premier qui venait de jouer 2-6. « sur le coup de 7 heures, 7 personnages sortirent de leur loge en disant « Bonjour, bonjour, nous sommes les 7 jours de la semaine !» La foule était muette d'admiration. Samedi était un petit garçon sympathique et joyeux qui portait dans ses bras un tonneau d'argent. Dimanche avait un visage rayonnant de bonheur comme un soleil. Lundi était un homme sévère, protégé par une armure et tenant une hache. Malheureusement, personne ne put distinguer les autres jours qui ne dirent pas un mot. L'horloge sonna 8 heures. 8 moines sortirent en chantant. « Nous sommes les 8 moines incroyables. Nous remplissons vos cœurs de chansons bien aimables. » Ils chantèrent 8 chansons et les spectateurs applaudirent à chaque fois de plus en plus fort. À 9 heures, apparurent les 9 muses. C'étaient 9 sœurs venues tout droit de la Grèce antique. La première savait tout sur la lune et les étoiles. La deuxième guérissait toutes les maladies avec des pommades magiques. Les 7 autres étaient des artistes. L'une joua la comédie, une autre un instrument de musique, une autre récita des vers. Dix heures sonnèrent, et on aperçut de nouveau le vieillard avec sa tablette en pierre. « C'est Moïse et les 10 commandements !» cria un petit garçon dans la foule. Tout le monde fut très impressionné. À 11 heures, des jeunes filles et des adolescents sortirent de l'horloge en dansant. Ils comptèrent jusqu'à 11 et, au chiffre 11, chaque garçon choisit une cavalière pour danser. « Allons danser avec eux !» suggéra quelqu'un dans la foule. La cour du palais se transforma aussitôt en salle de bal. Tout le monde chantait et dansait. Quelle soirée incroyable! À minuit moins 5, chacun arrêta de danser pour regarder l'horloge. Un grand silence s'établit. Lorsqu'elle sonna minuit, le gardien de la nuit apparut sur la scène. Malgré l'énorme matraque qu'il portait pour éloigner les fantômes, il n'avait pas l'air très rassuré. Au bout d'un moment, il respira profondément et se mit à chanter une berceuse. Lorsqu'il eut terminé, des roses sortirent du sol et se transformèrent en têtes d'ange. « Incroyable !» s'exclama la foule frappée de stupeur. Maintenant, retourne la cassette. Le roi et les membres du jury reconnurent que l'inventeur de cette horloge leur avait effectivement montré la chose la plus incroyable du monde. De toute évidence, il avait mérité la main de la jolie princesse et la moitié du royaume. Le roi organisa une grande fête en l'honneur du jeune inventeur qui sentit battre son cœur quand la princesse lui sourit. « Mon ami, dit le roi, vous venez de réaliser un grand exploit en nous montrant cette incroyable horloge. Quant à moi, je tiendrai parole. » « Voici ma fille, je vous la donne, avec la moitié de mon royaume. » Le jeune homme fit un pas en avant pour embrasser la princesse. « Je suis l'homme le plus heureux au monde, » lui dit-il tout bas. C'est alors que subitement un homme maigre et répugnant surgit sur la scène en hurlant. « Silence ! Taisez-vous ! C'est moi qui vais faire la chose la plus incroyable !» Et saisissant une hache, il brisa l'horloge en 1000 morceaux. Le verre, les ressorts et les aiguilles volèrent en éclats. « s'exclama le méchant homme en riant à gorge déployée. « Je vous avais prévenu que j'allais faire la chose la plus incroyable !»« Mécréant, comment avez-vous osé ?» s'écria le roi désespéré. « Vous avez détruit l'œuvre extraordinaire de ce jeune homme !» Les membres du jury furent pourtant obligés de reconnaître que cet acte était la chose la plus incroyable que l'on ait pu imaginer. C'est affreux ce que cet homme a fait, mais nous devons avouer qu'on s'y attendait pas et que c'est inimaginable. Bref, en un mot, incroyable. bégaya le conseiller du roi. Et se tournant vers le mécréant, « Monsieur, vous êtes le gagnant. La princesse sera donc votre femme, bien que vous ne sembliez pas le mari idéal. » La princesse eut les larmes aux yeux, mais une fille de roi ne revient pas sur sa parole donnée, et le cœur lourd, elle consentit au mariage. La cérémonie ne fut pas très gaie. Chacun se lamentait devant ce couple si mal assorti, une princesse si belle épousant un mécréant. Les invités se forcèrent néanmoins à sourire lorsque le futur époux conduisit la princesse devant l'autel. À ce moment précis, boum ! Les grandes portes de l'église s'ouvrirent avec fracas. Les ressorts, les aiguilles et tous les personnages de l'horloge se ruèrent vers l'autel et vinrent se placer entre les futurs époux. Vous pensiez vous être débarrassé de nous, mais vous aviez tort, dirent les personnages en gesticulant. Ils ligotèrent le mécréant, puis passèrent à l'action. Et en un tour de main, toutes les pièces de l'horloge se rangèrent à leur place comme dans un puzzle. L'horloge sonna une heure, et Moïse en sortit avec ses tablettes. Voilà Adam et Ève. Les trois rois mages, les quatre saisons, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10, 11, 12, jusqu'à ce que tous les personnages incroyables aient fait leur apparition. Ils se tournèrent alors vers le méchant homme d'un air menaçant, mais celui-ci haussa les épaules en ricanant. Vous ne pensez tout de même pas que je vais me laisser impressionner par des marionnettes? Et il fit un pas pour s'avancer vers la princesse. Le gardien de nuit qui était sorti le dernier s'approcha alors de lui et blan ! L'assomma d'un grand coup de matraque. « Bravo, bien joué !» crièrent les invités. Le roi ordonna aux membres du jury d'aller immédiatement chercher le jeune inventeur de l'horloge. Le fait que cette horloge se soit réparée toute seule est encore plus incroyable que l'audace du mécréant qui a osé la casser, déclarèrent les membres du jury à l'unanimité. C'est donc le jeune inventeur qui épousera la princesse et recevra la moitié du royaume. Quelqu'un pourrait-il se charger d'emmener ce mécréant à l'hôpital ? Demanda la reine. Regardez l'énorme bosse qui est en train de lui pousser sur le nez. On emmena le blessé et quelques instants plus tard, le jeune inventeur de l'horloge fit son entrée sous les applaudissements de tous les invités. Il prit la princesse dans ses bras et la foule cria de joie. Il n'y avait plus de méchants, ni de jaloux, ni de mécréants. Les enfants, les vieillards, les pauvres et les riches, tout le monde était content. En fin de compte, c'est peut-être cela la chose la plus incroyable. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec « Il était une fois ». Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la petite fille aux allumettes.